mélodique, tu kiffes quand t'entends la one touch. Le rap a accouché, mon flow est sorti de sa touche. Hip-hop cannibale, doublé comme Abidal. Bitch à la dalle et l'habitude de se dépit jusqu'aux amygdales. Si on est peace, ça n'a rien d'amical. Même si ton flow est vaginal, n'a rien d'original. Moi quand je pète, j'ai un génie qui me sort du cul. Tous mes souhaits se réalisent, les teutrés n'ont pas survécu. Black rap sous white, t'as pas de compte à rendre. Si t'as pas compris de la street, t'as dû t'apprendre. J'suis pas le rap game ou les MC s'enculent entre eux. Machi machi ça, traîne des pour prendre eux. Yeah, le genre a rien que ça qui m'obsède. Que les keufs et les gendarmes préparent leurs obsèques. Les mecs jack sur moi, moi j'ai hab, j'les connais d'où. Suck mon wadwa, what you gonna do? Wesh one, ça dit quoi? Cherche la big big money, 24 on fait quoi? Prends la big big money, dans la street ils veulent quoi? Ils veulent la big big money. Big big money, big big money. Wesh one, ça dit quoi? Cherche la big big money, 24 on fait quoi? Prends la big big money, dans la street ils veulent quoi? Ils veulent la big big money. Descendu du fer, roule tout ce qui est fer. Là d'où on vient, à 10 piges, les poumons se dépierrent. J'équipé comme la NRA, discret comme le FSB. On veut de l'argent, nous où est-ce que t'as mis ma monnaie? Multiplie les billets, mets de côté les filles. Derwan m'a dit qu'il t'a grillé, un dossier sort des oubliettes. MKZ et GS, JB ou bien Polyakov. Roule avec des Rital, des Polars qui n'aiment pas les queues. Demande au book de Squad Sky, Street Master, OCG, Maki 99, FLNC. Qui ne bosse pas pour la monnaie? Big, big money. Seigneur de la guerre, big bonnet. Oui on remet, qui ne bosse pas pour la monnaie. Big big money, c'est maquisard de 4-8 tu reconnais. État d'esprit comme les banques, industrie, bénéfice hors normes. On veut troquer les briques de blé pour des cartes en or. Wesh one, ça dit quoi? Cherche la big big money, 24 on fait quoi? Prends la big big money, dans la street ils veulent quoi? Ils veulent la big big money. Big big money, big big money. Wesh one, ça dit quoi? Cherche la big big money, 24 on fait quoi? Prends la big big money, dans la street ils veulent quoi? Ils veulent la big big money. Big big money, big big money. Je me retrouve avec de la farine. Ah. Je te jure, c'est pas de la farine. J'ai eu que de la farine. Je t'ai donné ce que j'ai eu, stop. Où est-ce que t'étais hier? T'étais où hier? Réponds, t'étais où? Je sais plus où j'étais. Où t'étais? T'étais où? Arrête, j'en dis-moi sais rien. Où t'étais, bordel. J'étais avec la seule. La seule à Cannes? Oui. Ah.